السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى، وهو أهل لذلك، أهل الثناء والمجد سبحانه وتعالى. فنحمده سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة كما يعلم كلنا. ومن تلكم النعم بعدما من به علينا سبحانه وتعالى من الإسلام والإيمان والسنة واتباع منهج السلف الصالح، فمن ذلكم أن جعلنا ممن يشتغل بالعلم ويهتم بالعلم الشرعي ويهتم بالتفقه في الدين، فإنها والله نعمة عظيمة ينبغي معرفتها وشكر الله سبحانه وتعالى عليها. إذ إن الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وبقدرته سبحانه وتعالى التي لا يعجزها شيء، أن يجعلنا ممن يسلك طريق العلم وطريقا إلى الجنة، وأن يتقبل سعينا جميعا، وأن يجزينا من خيري الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. ولا ننسى بعد شكر الله سبحانه وتعالى أن نوجه كلمة شكر لأخينا العزيز القائم على هذه الإذاعة النافعة ومن معه بإذنه سبحانه وتعالى، أخونا يوسف أبو عبد الرزاق، وفقه الله وسدده وتقبل الله سعيه وسعينا جميعا، وكذلك جميع من يشارك في هذه الدورة من الدعاة الموفقين الذين عرفوا بحمد الله تبارك وتعالى بجهدهم ونشاطهم ونفعهم في نشر الدعوة السلفية، وكذلك جميع الأساتذة والمحاضرين في الدورة. أما بعد، نقول notre Seigneur سبحانه وتعالى d'une pleine louange، et il est سبحانه وتعالى celui qui mérite toutes les louanges et tous les remerciements سبحانه وتعالى de la part de ses serviteurs indigents. Donc nous le louons subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits, parmi lesquels le fait qu'il nous ait accordé, après le bienfait de l'islam, puis celui de la foi, puis celui de la sunna, puis celui du suivi de la voie des salafs dans tout cela, le fait qu'il nous ait fait partie, qu'il nous ait compté de ceux qui se préoccupent, qui donnent de l'importance à la science religieuse dans son apprentissage, dans le fait de s'instruire dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une chose qui est par Allah un bienfait immense, dont beaucoup de gens ont été privés. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a certes dit: celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, d'après le sens du hadith, Quiconque emprunte un chemin par lequel il recherche une science, alors Allah lui facilite par cela un chemin menant au paradis. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grâce immense et de par sa capacité à accomplir toutes choses, de nous compter parmi ceux qui empruntent le chemin du paradis, et qu'il accepte cela de nous subhanahu wa ta'ala, et qu'il nous accorde ses rétributions dans ce bas monde et dans l'au-delà subhanahu wa ta'ala. Et nous n'oublions pas, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, pour ses bienfaits, de diriger une parole de remerciement vers toute personne ayant participé à la concrétisation de cette Daura Ilmiya, en particulier notre frère Youssouf Abu Abdelrazzaq Waffaqahullahu wa Saddada, ainsi que tous les frères prêcheurs et enseignants connus pour leurs immenses efforts dans la propagation de la Dawa Salafiyya, qu'Allah les raffermisse et leur accorde la réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà, ainsi qu'à chacun d'entre nous. Cela étant dit, le sujet de cette muhadara est, comme nous le savons, une explication qui sera bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala bref et concise d'un épître du noble savant Al-Imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah, intitulé Al-Qawa'idu al-Arba', les quatre règles, c'est-à-dire quatre règles qui permettront au lecteur de faire une distinction claire entre at-tawhid wa ash-shirk, millat at-tawhid wa millat ash-shirk, entre la religion du monothéisme et celle du polythéisme. Donc, une distinction claire entre le tawhid, avec lequel tous les messagers et prophètes ont été envoyés, et le shirk, la voie des polythéistes. Et ces règles vont donc en même temps répondre à certaines ambiguïtés qui étaient présentes à l'époque de l'auteur rahimahullah et qui sont encore présentes à l'esprit de certaines personnes. Et donc ces règles qui seront pour chacune d'entre elles, comme nous allons le voir, tirées du Coran et de la Sunna, et qui seront bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala pour le croyant une arme par laquelle il pourra se protéger du shirk et il pourra réfuter les ambiguïtés des polythéistes. Et avant de commencer, donc l'auteur rahimahullah a débuté son épître par deux introductions qui sont, comme nous allons le voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, d'une très grande importance. La première contient une invocation pour le lecteur, comme l'auteur rahimahullah a l'habitude de faire dans ses livres, et qui contient aussi le fait d'apprendre et de connaître les trois signes ou bien les trois causes menant au bonheur dans ce bas monde. Puis ensuite, la deuxième introduction qui contient une brève explication de ce qu'est la religion du monothéisme, Millatu Tawhid ou Millatu Ibrahim alayhi salam, ainsi que le shirk et sa gravité. Donc, il nous dit, rahimahullah, dans la première introduction, j'invoque Allah le généreux, Al-Karim, Seigneur de l'immense trône, Rabb al-Arsh al-Azim, de te prendre comme allié dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'il te compte parmi ceux qui, lorsqu'ils reçoivent des bienfaits, sont reconnaissants, et qui, lorsqu'ils sont éprouvés, patientent face à cela, et qui, lorsqu'ils commettent un péché, demandent pardon pour cela. Puis nous dit, rahimahullah, et certes, ces trois choses sont la clé, sont le signe du bonheur. Intaha kalamuhu, rahimahullah. Donc, dans cette première introduction, donc, qui est comme cité une immense introduction, et qui est d'un profit immense pour celui qui la médite et fait en sorte de la mettre en pratique. Car elle contient la clé et le chemin qui mène au bonheur, comme l'a cité l'auteur, rahimahullah. Et comme le citent les gens de science, il n'y a pas un être humain sans qu'il ne soit à la recherche du bonheur, que ce soit le pervers ou bien le pur. Mais ce qui va différencier les gens va être la vision et la conception qu'ils ont du bonheur, ainsi que le lieu où se trouve le bonheur. Voilà pourquoi certains vont souvent emprunter des chemins qui mènent à leur malheur, qui mènent à leur perte, dans ce bas monde et dans l'au-delà, car ils contiennent des désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant par cela emprunter le schéma du bonheur. Donc, le bonheur se trouve dans le cœur, fil qalb, et dans l'apaisement de celui-ci, l'apaisement du cœur. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Et personne ne peut l'accorder si ce n'est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il ne peut s'obtenir que par son obéissance subhanahu wa ta'ala. Donc son lieu est le cœur. Celui qui peut l'accorder est Allah subhanahu wa ta'ala. Le chemin qui y mène est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en particulier, à travers les trois points que l'auteur a cités, qui sont, premièrement, le fait d'être reconnaissant face aux bienfaits provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a ortia chacun. Et de le louer, donc, pour cela. Donc, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous accorde. Comment ? Premièrement, en le louant par sa langue pour ce bienfait-là. Donc, le fait de prononcer par sa langue que ce bienfait-là vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de le dire à certaines personnes dans le but de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant ça, le fait de reconnaître par son cœur que ce bienfait-là provient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, et non pas de nous-mêmes, non pas de notre intelligence, non pas parce qu'on le mérite, non pas d'une autre personne ou bien d'une autre créature, mais cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et tout ce que vous avez comme bienfait, alors ils proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le fait d'utiliser ce bienfait-là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus important et le point sur lequel la majorité des gens échouent, comme le cite les gens de science. Donc premièrement, être reconnaissant envers les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ici, il y a un point qu'il faut savoir, c'est que la personne ne peut pas être reconnaissant d'une chose qu'elle ne connaît pas. Donc il est important de méditer sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se rappeler constamment les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, si minimes soient-ils en apparence. Deuxièmement, donc deuxième moyen qui permet d'accéder au bonheur, il nous dit, rahimahullah, le fait de patienter et d'endurer face aux épreuves. Il a ptoulia sabar. Donc face aux épreuves par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve et va nous éprouver selon son immense sagesse subhanahu wa ta'ala. Comment ? En préservant premièrement nos cœurs contre le fait de se mettre en colère face aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. En préservant nos langues contre le fait de prononcer des choses qui vont déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en préservant nos membres quant au fait d'accomplir des choses qui vont déplaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, troisième point, qui entre dans la clé du bonheur et les chemins menant au bonheur, il nous dit, rahimahullah, وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ. Le fait de se repentir lorsque la personne tombe dans un péché ou a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le sens du hadith, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّى وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. Tous les enfants d'Adam sont pécheurs. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent beaucoup. Donc ici, tawwabun, ce qui montre que la personne peut être amenée à beaucoup tomber dans les péchés. Mais ce qui compte est qu'elle se repente constamment et qu'elle ne persiste pas sur le péché. وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Et ils ne persistent pas sur ce péché alors qu'ils savent. Donc ces trois points-là sont la clé du bonheur, le signe du bonheur. عُنْوَانُ السَّعَادَ. Car celui qui médite sur l'état de chaque être humain, il verra que chacun d'entre nous, chaque être humain, ne sort pas d'une de ces trois situations-là à chaque moment de sa vie. Soit il est dans un bienfait, alors à ce moment-là, il lui incombe d'être reconnaissant de la manière qui a été citée. Et il faut savoir que lorsqu'on dit un bienfait, comme le signe des gens de science, le fait qu'Allah te préserve d'un mal est un bienfait. Donc ce n'est pas seulement le fait d'avoir des bienfaits qu'on voit sur nous de manière abondante. Le fait qu'Allah t'ait préservé de maladie, t'ait préservé de la mort, t'ait préservé de la pauvreté, t'ait préservé de l'ignorance, il a akhili. Kullu hadhihi min an-ni'am. Donc la personne voit qu'elle a des bienfaits qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ici, elle est reconnaissante de la manière qui a été citée, par son cœur, par sa langue et par le fait d'utiliser ces bienfaits-là dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien la personne est dans une épreuve. Allah l'éprouve, la maladie, la pauvreté, la mort d'un proche, la tristesse ou autre, un chagrin ou autre. Donc, à ce moment-là, il lui incombe de patienter, d'endurer de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit d'après l'essence du verset, وَاللَّهُ مَا صَابِرٍ. Et Allah est avec les endurants. Donc, Allah aime les endurants et il est avec les endurants ceux qui patientent. Donc, la personne patiente et endure de la manière qui a été citée, donc par sa langue, son cœur et ses membres, contre le fait de commettre une chose qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième état est que la personne ait commis un péché ou une erreur, ou qu'elle ait désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment-là, elle accourt repentir, est la cour au fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, une chose qu'Allah aime. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'après l'essence du verset, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Et Allah n'est pas de tête à les châtier alors qu'ils demandent pardon. Donc le fait de demander pardon est une cause pour repousser de nous le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers cela qu'il aime ceux qui demandent pardon et qu'il aime ceux qui se repentent constamment. Donc Allah aime les tawwabin, Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, ceux qui se purifient. Et donc celui qui fait cela, donc celui qui lorsqu'il a un bienfait est reconnaissant, lorsqu'il est touché par une épreuve patiente et lorsqu'il a commis un péché se repent, sera constamment dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans chacun de ses états, il va faire ce qu'il plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne-là sera constamment dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a certes promis d'accorder une bonne vie à cette personne. Comme il nous dit subhanahu wa ta'ala d'après l'essence du verset, من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Et quiconque accomplit des œuvres pieuses, homme ou femme, alors qu'il est croyant, alors nous lui accorderons très certainement une bonne vie. فَالْحَيَاتُ السَّعِيدَ تُنَالُ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et en particulier, donc, ces trois points-là, qui sont le fait d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, et d'endurer, de patienter, et de se repentir constamment. Et, donc, ceci est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est plus véridique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en parole. فَالْحَيَاتُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Puis, l'auteur rahimahullah nous dit, dans la deuxième introduction qui est à la suite de ce qui a été cité, sache qu'Allah t'oriente vers son obéissance, que Al-Hanifiyya, Millata Ibrahim, la voie, la religion d'Ibrahim alayhi salam, consiste en ce que tu adores Allah seul, en lui vouant un culte exclusif. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, d'après le sens de sa parole, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dès lors que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration n'est appelée adoration que lorsqu'elle est accompagnée du monothéisme. Tout comme la prière n'est appelée prière que si elle est accompagnée de la purification at-tahara. Et lorsque le polythéisme s'infiltre, se mélange à l'adoration, il la corrompt, tout comme la souillure, l'impureté, corrompt la purification, lorsqu'elle s'y mélange. Dès lors donc, que tu sais que si le polythéisme se mélange à l'adoration, il la corrompt, et qu'il annule l'œuvre, et que son auteur devient une personne qui restera éternellement en enfer, tu sais alors qu'il s'agit de la chose la plus importante qu'il t'incombe de connaître. Ceci afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala te délivre, te protège de ce piège qui est l'association al-shirk. Au sujet duquel il a dit subhanahu wa ta'ala, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Puis nous dit rahimahullah, donc cette connaissance s'obtient à travers quatre règles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah le Très-Haut a citées dans son livre. Donc l'auteur nous montre ici, à travers ce point, ce qu'est le tawhid, ainsi que son importance, et à l'inverse, ce qu'est le shirk, et la gravité et les méfaits du shirk. Donc, il nous montre deux points. Donc le tawhid et le shirk sont inverses. Car comme le cite les gens de science, on ne peut réellement connaître le mérite du tawhid qu'à travers deux points que cette épître a pour but de clarifier. Le premier point est le fait de connaître sa réalité, de savoir ce qu'est réellement le tawhid, ainsi que ses mérites innombrables. Entre autres, parmi ce que l'auteur a cité, rahimahullah, le fait qu'il est la raison de la création de l'être humain, ainsi que la création des cieux et de la terre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et aussi qu'ils soient la religion par laquelle furent envoyés tous les messagers et les prophètes. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Donc tous les messagers sont venus avec cette parole-là, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et aussi le fait qu'il soit la condition sans laquelle toutes les œuvres, quelle que soit leur quantité, ne sont pas acceptées. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'il a rendu tout ce que les polythéistes ont accompli comme œuvre en poussière éparpillée. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Pourquoi ? Car ils ne sont pas construits sur التوحيد. Et aussi, le fait de savoir qu'il est la cause, une des causes menant à ce que la personne soit en sûreté, en sécurité, et qu'elle soit bien guidée dans ce bas monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Et ceux qui ont cru et n'ont entaché leur foi par aucune forme d'injustice, qui est le shirk ici, l'injustice, comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam fil hadith sahih, il nous dit subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux-là qui sont en sûreté et ils sont eux les bien guidés. En sûreté, dans ce bas monde, à l'inverse des polythéistes, donc tout ce dont a peur les mouchikoun, le mouahid est préservé de cela. Wahada mouchahat, c'est une chose que chacun peut voir pour celui qui médite. En sûreté, dans l'au-delà, tout ce dont craint le mouchrik dans l'au-delà, alors le mouahid sera préservé de cela. Wahum min faza'i yawma'idin aminoun. Ils seront ce jour-là en sûreté, en sécurité, bien guidés dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, sur le sirat al-mustaqim. Dans l'au-delà, sur le sirat qui mènera fil jannah. Donc, plus la personne aura concrétisé le tawhid, plus et qu'elle se sera écartée du shirk, plus elle sera en sûreté et en sécurité dans ce bas monde et dans l'au-delà contre les maux qui peuvent toucher les mouchriquins. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, elle sera en sûreté, en sécurité et elle sera bien guidée. Kama yadullu alayhi al-aya, comme le verset nous le montre. Et à l'inverse, l'inverse par son inverse, plus la personne s'écartera du tawhid et plus elle sera entachée par des formes de shirk, plus elle sera touchée par des maux, par les maux par lesquels sont touchés les mouchriquins, et par des peurs dans ce bas monde avant l'au-delà. Et elle sera aussi du nombre des égarés. Donc à travers cela, chacun peut examiner et voir où en est-il concernant le fait qu'il soit en sûreté ou non, qu'il se sente en sécurité ou non. Est-ce qu'il a les mêmes peurs que les mouchriquins ? S'il voit qu'il est proche des mouchriquins dans ses peurs, c'est qu'il y a un problème. Car Allah a promis que le mouahid n'a pas les mêmes peurs que le mouchriq. Le mouahid, il n'est pas inquiété par ce par quoi il est inquiété le mouchriquin. Hada mustahil. Lui, il est inquiété par autre chose. Donc il est apaisé quant aux choses dont sont inquiétés les mouchriquins. Et il peut aussi examiner sa guidée. Où est-ce qu'il en est par rapport à la guidée, par rapport à la suivi de la voix du messager sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela dans le but de corriger ou bien de réformer ce qui a besoin d'être réformé. Car la promesse d'Allah est véridique. Donc s'il y a un problème, c'est que cela vient du serviteur et c'est que son tawhid a besoin d'être informé et d'être corrigé. Et la shaykh anna hadha la yakunu illa bil ilm, que cela ne peut se faire que par la science. Donc personne ne peut prétendre avoir concrétisé le tawhid sans avoir appris et sans faire des efforts dans le but de connaître ce que le tawhid et de se connaître et de connaître ce qui est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. De dire رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Et dit ô Seigneur, augmente-moi en science. فَالْإِنسَانِ يَسْأَلُ اللَّهَ دَيْمًا الْعِلْمِ ثُمَّ الْعَمَلْ بِهَذَا الْعِلْمِ. Ensuite, donc deuxième point par lequel la personne peut comprendre la réalité du tawhid est le fait de connaître son inverse, donc qui est le shirk, ainsi que ses méfaits, ses innombrables méfaits, dont l'auteur a cité quelques-uns. Entre autres, le fait que le shirk annule toutes les œuvres. Donc, il annule l'œuvre dans laquelle il se mélange. Si jamais, cela est du polythéisme mineur. Ou bien, il annule toutes les œuvres du serviteur pour le polythéisme majeur. Quelle que soit la quantité des œuvres qu'il a pu accomplir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, d'après l'essence du verset, dans surat al-An'am, les bestiaux, après avoir cité un grand nombre de prophètes et messagers. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a énuméré un grand nombre de prophètes et messagers. Puis par la suite, il a dit subhanahu wa ta'ala à leur sujet. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils auraient, d'après le sens du verset, et s'ils auraient associé à Allah, s'ils auraient commis du polythéisme, alors toutes leurs œuvres seraient devenues vaines. Alors toutes leurs œuvres auraient été vaines. Donc, rien n'aurait été accepté d'eux, alors qu'ils sont les meilleurs des créatures, et que personne ne pourra accomplir ce qu'ils ont accompli comme œuvre. Mais malgré cela, s'ils auraient associé à Allah subhanahu wa ta'ala une quelconque chose dans l'adoration, alors leurs œuvres auraient été vaines. Donc, que dire du reste des serviteurs? Et nous avons aussi parmi les méfaits du shirk, que l'auteur a cité, rahimahullah, le fait que cela implique, wal iyadu billah, la damnation en enfer pour l'éternité. Le fait que la personne soit en enfer pour l'éternité. Et cela suffit par Allah comme immense méfait et comme véritable perte. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَاسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Donc la réelle perte, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, est pour ceux qui auront perdu leurs âmes et leurs familles يَوْمَ الْقِيَامَةِ, perdu à jamais. لَنْ يَلْتَقِيَ بِأَهْلِ أَبَدًا, en enfer pour l'éternité. Il n'aura plus aucun lien avec ses proches, plus aucun lien avec sa famille. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Et certes cela est la perte évidente. وَهَذَا لِلْمُشْرِكِ فَهَذَا كَفَى زَجْرًا وَتَخْوِيفًا مِنَ الشِّرْكِ. En plus de cela, donc les maux et les malheurs qu'engendre le shirk dans ce bas monde et qui touche les polythéistes. Et donc, tout cela pousse, comme l'a cité l'auteur rahimahullah, à comprendre que l'apprentissage du tawhid et le fait de connaître sa réalité, et l'apprentissage du shirk et de connaître sa réalité pour s'en prémunir, est d'une importance capitale, et que cela va mener à ce que la personne puisse préserver sa religion qui ne repose que sur le tawhid, et préserver son au-delà qui est rasu malihi, qui est la chose. Bon, la perte ne peut être remplacée par rien d'autre. Amma al-khasara fi dunya, une perte mondaine, hadha yamour, c'est pour un temps. Kama qala ash-sha'ir, ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء. Donc ne sois pas triste pour un mal qui va te toucher dans ce bas monde, car les maux de ce bas monde ne sont pas éternels, ils sont pour un temps. أما في الآخرة فهذا على الدوام, فهذا على الدوام. نعم. Et donc c'est pour cela que l'auteur dit, avant de commencer la première règle, une parole qui ressemble à une réponse à une question qui pourrait être dit. Donc après que l'auteur ait montré la gravité du shirk et l'importance du tawhid, la question qui pourrait être posée est: comment pourrais-je donc connaître le tawhid et connaître le shirk, et être capable de distinguer, de différencier entre le shirk et le tawhid, pour ne pas que le tawhid se mélange à mon adoration, et pour ne pas que je sois du nombre des perdants? Donc la réponse est dans les propos de l'auteur rahimahullah, qui nous dit: cette connaissance s'obtient à travers quatre règles qu'Allah le Très-Haut a mentionnées dans son livre. Donc les quatre règles que l'auteur rahimahullah va citer, qui ont pour but de permettre aux serviteurs de distinguer, comme cité, ce qu'il y a entre le tawhid et le shirk, et aussi de réfuter certaines ambiguïtés que les mushrikoun vont dire pour cautionner ce qu'ils font comme shirk. Naam. Ils l'ont dit rahimahullah: Al-qa'idatul oula, la première règle, que tu saches que les mécréants que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu reconnaissait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, celui qui administre toutes choses, al-khaliq, al-mudabbir, al-raziq, celui qui crée toutes choses, celui qui administre toutes choses, qui gère toutes choses dans l'univers, et que cela ne les a pas fait entrer dans l'islam. La preuve à cela est sa parole subhanahu wa ta'ala, d'après l'essence du verset, dit donc au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man yarzuqukum min as-sama'i wal ard, qui est-ce qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Man yamliku as-sam'a wal absar, qui fait sortir le vivant du mort? Wa yukhrijul hayya min al-mayt, et qui fait sortir le mort du vivant? Wa yukhrijul mayta min al-hayy. Idhan وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ, qui fait sortir le vivant du mort et qui fait sortir le mort du vivant, et qui administre toute chose. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, ils diront: c'est Allah. Dis-leur alors: ne craignez-vous donc pas? أَفَلَا تَتَّقُونَ. إِنْتَهَا كَلَامُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ. Donc dans cette première règle, l'auteur, rahimahullah, nous montre ce qui est une réfutation contre certains mouchikoun, contre certains adeptes du shirk de son époque et qui sont encore présents à notre époque, qui prétendent que le shirk des premières générations et le shirk du peuple de Quraysh était seulement dans la seigneurie. Et que Quraysh et ceux qui ont précédé comme mouchikoun, qui ont été cités dans le Coran, reconnaissaient que Allah subhanahu wa ta'ala ne reconnaissait pas plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala était unique dans la seigneurie. Donc, que leur shirk était dans le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala dans la seigneurie. Mais, comme nous le voyons à travers le verset cité par l'auteur, et d'autres versets dans le Coran, que le peuple de Quraysh et les autres peuples, les autres communautés qui ont précédé, qui ont mécru avant eux, ne reniaient pas Tawhid al-Rububiyya, ne reniaient pas le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit leur seul Seigneur. Et le fait qu'il soit le créateur de toutes choses, le fait qu'il soit le pourvoyeur, le fait qu'il gère tout l'univers. Wala in sa'atahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Et si tu leur demandes qu'est-ce qui les a créés, ils te diront c'est Allah. Donc, ils croyaient au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur, celui qui a créé toutes choses, le pourvoyeur. Mais, même avec cela, ils ne sont pas entrés en islam. Ils n'ont pas été épargnés du châtiment. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, à propos de ces mêmes personnes, qui sont le peuple de Quraysh, qui ont attesté, dans les versets cités, qu'Allah est leur Seigneur et qu'Allah est leur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi à leur sujet, وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Et ils ne sortiront jamais de l'enfer. Donc ils seront en enfer pour l'éternité, ce qui montre qu'ils sont mécréants. Et ce sont eux-mêmes aussi qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui montre clairement que ce qui est voulu par le tawhid n'est pas seulement le fait d'attester de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais bien plus que ça. Car ces mouchrikoun attestaient de cela. Mais même avec ça, ils ont refusé de dire la ilaha illallah. Ce qui montre que le sens de la ilaha illallah n'est pas seulement le fait d'attester de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala de manière claire. Mais le fait d'attester de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala est une chose qui est innée. Une chose qui fait partie de la sainte nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout être humain. Tout être humain est né et est créé et a pour croyance qu'il a un Seigneur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu mauloudin yuladu ala al-fitra. Tout enfant, tout nouveau-né est né sur la fitra. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjidani. Donc c'est ses parents, donc de cet enfant-là, qui vont le rendre chrétien, juif ou bien adorateur du feu. Donc à la base, la fitra appelle au fait de savoir qu'on a un Seigneur qui est au-dessus, qui est aux cieux. Tayyib. Donc, le tawhid est plus que cela encore. Mais il consiste en plus de ça à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ? En lui vouant à lui seul subhanahu wa ta'ala toute forme d'adoration et en délaissant l'adoration de toute divinité en dehors de lui subhanahu wa ta'ala, qui est le sens de la ilaha illallah bin nafi wal ithbat, avec la négation et l'affirmation. Avec la négation et l'affirmation. Et donc, cette règle réfute aussi la croyance de certaines personnes quant au fait que l'attestation de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour que la personne entre en islam et soit préservée du feu. Fulan yaqul Allahu Rabbi, il dit que Allah est mon Seigneur, cela suffit pour qu'il soit croyant et qu'il soit préservé du feu. Donc les versets cités réfutent cela, comme la parole de l'auteur rahimahullah. Donc cela est faux. Donc, et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans le Coran, d'après le sens du verset, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la majorité d'entre eux ne croient en Allah qu'en étant polythéistes. C'est-à-dire, comme cela a été rapporté par certains compagnons et par certains célèbres, qu'ils croient quant au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur créateur, c'est-à-dire à la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'ils sont polythéistes dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait qu'ils adorent autre que lui. Donc le fait de croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala ne suffit pas, mais la personne doit en plus vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en plus de nous montrer que le tawhid n'est pas seulement le fait d'attester de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en plus de cela, le fait de l'unifier dans toute forme d'adoration, cette règle nous montre aussi que l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, tawhid al-rububiyya, est une des plus grandes preuves min akbar al-barahin montrant l'obligation de l'adorer lui seul. Donc le tawhid al-rububiyya a son importance car il pousse la personne à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est pour ça que dans plusieurs versets, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala cite sa seigneurie et montre le fait que les polythéistes croient en cela et qu'ils reconnaissent cela, Allah subhanahu wa ta'ala finit ses versets par sa parole, afala ta'qilun, ne raisonnez-vous donc pas, car celui qui raisonne de manière normale comprend que celui qui t'a créé, celui qui t'accorde la vie et la mort, celui qui t'accorde ta subsistance, est le seul qui mérite que tu l'adores. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, afala tadhakkarun, est-ce que celui qui crée est égal à celui qui ne crée pas, celui qui ne crée rien? La réponse est bien sûr non. Afala tadhakkarun, ne vous rappelez-vous donc pas? Idem, s'ils ne sont pas égaux dans la création, comment est-ce que vous pouvez les mettre égal, à un rang égal dans l'adoration? Hadha ghayru maqul. Donc cela va à l'inverse, à l'encontre d'une raison qui est saine. Donc le tawhid al-rububiyya pousse la personne à adorer Allah seul. C'est pour ça que les savants citent que dans le Coran, parmi les moyens utilisés dans le Coran pour pousser les serviteurs à adorer Allah seul, dhikru rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala, le fait de citer la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant médite, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de sa seigneurie, se fait connaître à nous par ses noms et attributs, par sa seigneurie, le but de cela est de nous pousser, d'ancrer dans nos cœurs le fait de savoir qu'il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Donc plus la personne aura le tawhid al-rububiyya entré dans le cœur, ancré dans son cœur, plus elle va adorer Allah seul. Allahumma illa, sauf si elle est injuste, donc ce sera parmi les dhalimines, les mouchriquins. Voilà pourquoi les mouchriquins sont des dhalimines, ils sont injustes envers eux-mêmes, car ils placent une chose à un endroit qui n'est pas sa place. Donc toute personne qui raisonne de manière normale sait que celui qui crée, celui qui accorde les bienfaits, celui qui peut repousser de toi le mal, celui qui peut t'accorder le bien, est le seul subhanahu wa ta'ala à mériter que tu l'adores. Subhanahu wa ta'ala. Idhan, tawhid al-rububiyya min al-barahin ala tawhid al-uluhiyya. Donc le tawhid al-rububiyya fait partie des preuves poussant à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, mais il ne suffit pas pour que la personne soit comptée parmi les musulmans et pour qu'elle soit préservée du feu éternel dans l'au-delà. Non. Et donc, par la suite, après que l'auteur ait cité cette première règle, donc il réfute les ambiguïtés qui ont été citées, qui est le fait de prétendre que le tawhid al-rububiyya suffit pour que la personne soit croyante, ou bien le fait de prétendre que les polythéistes, les premiers polythéistes, ont mécru parce qu'ils reniaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, l'auteur passe à la deuxième règle, qui, elle aussi, est la réponse à une question qui peut être posée. Cette question est, étant donné que les polythéistes attestent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur Seigneur. Si tu leur demandes qu'est-ce qui les a créés, ils te diront c'est Allah. Étant donné donc qu'ils attestent qu'Allah est leur Seigneur, pour quelle raison alors vont-ils adorer autre que lui subhanahu wa ta'ala? Donc l'auteur rahimahullah va répondre à cette question dans la deuxième règle qui sera bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, la règle que nous prendrons dans notre deuxième cours bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hada والله أعلم ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المقام أن يكتب لنا أن نكون ممن يوحده سبحانه وتعالى وأن يقينا الشرك كله ظاهره وباطنه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقنا سيء الأخلاق والأعمال فإنه لا يقي سيئها إلا أنت. وسبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.